الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc dans le dernier درس أخذنا أركان الصلاة، donc on avait repris une deuxième fois le hadith des piliers de la salat et également le tashahhud. At-tashahhud avec le dua à faire. Après, il y en a d'autres. Wa hadha huwa asah ma jaa fi hadha al-bab. Et ça, c'est le plus authentique qui est venu dans cette mas'ala là. Donc maintenant, il va prendre une nouvelle mas'ala qui est al-isti'adha min arba' fi at-tashahhud. Le fait de rechercher refuge contre quatre choses lors du tashahhud. Il y a des ulama qui disent même que ce dua il est wajib. Et en réalité, c'est un dua qui est recommandé, qui est sunnah, mais n'est pas obligatoire. Car dans le hadith précédent, il avait dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit la salat, attayhatu lillah, as-salawat at-tayyibat, il a révalika, à la fin il dit quoi ? Thumma yatakhayyaru min al-mas'ala ma sha'a. Puis la personne choisit les duas qu'elle veut. Donc ce qui prouve que tu as le choix. En réalité. Et c'est un moment de dua. À la fin de tashahhud, quand tu as fini de faire ton zikr, c'est un moment, parce que souvent on est inattentif à ça. L'imam, il est peut-être encore en train de réciter, puis les gens, ils attendent. Et bien à ce moment-là, c'est un moment pour faire le dua. Il ne faut pas négliger cela. Donc là, c'est le 37e hadith du kitab et 17e hadith de ce fasl. Là, on va en prendre deux aujourd'hui, et après, il restera deux hadiths sur le janaza, et après, le fasl sera terminé, bismillah ta'ala. Yaqul, an Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iza tashahada ahadukum, fal yasta'iz billah min arba'a. Yaqul, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, wa min azab al-qabr, wa min fitnati al-hayah wal-mamat, wa min sharf fitnati al-masih al-dajjal. Rawahu Muslim. Donc dans ce hadith, il indique le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que, plutôt Abu Huraira, rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si l'un d'entre vous fait le tashahhud, donc en fait ça c'est à la fin du tashahhud, qu'il recherche refuge contre quatre choses. C'est-à-dire tu recherches refuge auprès d'Allah azawajil. Ils disent, ô Allah, lorsqu'on dit Allahumma, ça veut dire oh Allah. Vous voyez, toute faute entend dans un doa Allahumma, en fait ça veut dire oh Allah, tu appelles Allah. Je recherche refuge auprès de toi du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe et de la fitna de la vie et de la mort, c'est-à-dire la tentation, et du mal de la fitna du Messie Dajjal. Messie Dajjal. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Et il était dit que certains ulama, comme je crois que c'est Taous, il disait à son fils, as-tu fait ce zikr dans ta salat? Il disait non, il dit recommence ta salat. Donc certains disent que ce alim voyait que c'était obligatoire, et d'autres disent non, tellement il voulait habituer son fils à faire cela, pour pas qu'il oublie à l'avenir, il dit recommence ta salat. Et en réalité, cela n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé et franchement, on en a vraiment besoin. C'est vraiment pas un luxe. Pas du tout. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullah. Donc, ce dua, on le fait comme qu'ala iza tashahada ahadukum. C'est-à-dire là, lorsque l'un d'entre vous a fini le tashahhud, qu'il fasse ce dua. Donc lorsqu'on dit e'ouzou bik, c'est je reviens vers toi, je me refuge auprès de toi et je recherche ta protection. Et ça on le dit dans beaucoup de doa. On le dit par exemple dans Kul a'udhu bi rabbin nas, dit je recherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas, ilahin nas, ila ghayr dhalika. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, ila ghayr dhalika. Car le seul qui pourra te protéger de sa création, c'est le Créateur, quoi que tu fasses. Azab al-Jahannam, c'est-à-dire chercher refuge auprès d'Allah du châtiment de l'enfer. Et cela ne peut se produire, ce n'est pas le simple fait de faire un dua, mais c'est le fait d'agir, de faire les causes qui, de base, te protègent du feu. Sans quoi ça n'a pas de sens. De demander à Allah une chose et tu fais le contraire. Et la première cause pour te protéger du feu, c'est obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car c'est quoi? C'est justement ça la taqwa. La taqwa qu'on traduit par la piété, qui en réalité devrait être traduit par crainte protectrice, c'est de mettre une protection entre toi et la colère d'Allah. Et ça la taqwa. Donc quelqu'un qui est muttaqi, c'est quelqu'un qui se protège. D'accord? Et il se protège comment? Il se protège de quoi? Il se protège de la colère d'Allah, de son châtiment. Par quel moyen? En obéissant à Allah, tout simplement. Première des causes. Donc là, on fait le dua, mais bien sûr, il faut agir en conséquence. Sinon, on rentre dans l'illusion. T'as des gens qui font le dua, ils font rien derrière. Adam il ghurur. Et min azab al-qabr. Donc là, c'est le châtiment de la tombe qui est affirmé par la sunna et qui n'a été récusé que par les gens de la bid'a, entre autres les Mu'tazila, les gens qui réfléchissent avec leur raison au-delà des textes, au-dessus des textes. Et ce azab al-qabr, c'est celui qui a lieu dans la tombe. Pour qui le mérite? Yaqul wa fitnat al-mahya. Et je recherche refuge auprès de toi de la fitna de la vie. D'accord? C'est en fait, yaqul al-mu'allif wa al-fitna ma yasud an shar'illa. Donc là, la fitna, c'est tout ce qui te fait obstruction, qui t'empêche de cheminer sur les voies d'Allah, c'est une tentation. Toute chose qui te bloque de ta religion, c'est une tentation. Et ce n'est pas forcément une chose qui est haram. Ça peut être une chose qui est permise, mais tellement elle t'attire qu'elle te freine. D'accord? Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Ils vont dire, oui, mais ce que je fais, c'est halal. C'est pas haram. Oui, c'est halal. Mais tu le fais tellement, tellement ça t'obsède que tu en oublies Allah, Azzawajal. Ce fut le cas de quel prophète? Hein? Arsène Suleiman qui était distrait par ses chevaux. Au point de l'oublier, les askars du Asr. Qu'est-ce qu'il a fait après par la suite? Il les a égorgés pour se rattraper. Et par la suite, Allah lui a donné mieux que ses chevaux, il lui a donné le vent. Donc nous, il y a plein de choses dans la vie qu'on fait tous les jours qui nous distraient. C'est la salade, attends, je suis en train de faire ça, attends, vite, fais 5 minutes de... Encore 5 minutes. Et finalement, la salade, tu l'as ratée. D'accord? Tu fais telle et telle chose, ça te distrait. Et parmi les plus grandes distractions qu'il y a, la famille. D'accord? Les épouses, les enfants. Dans le Coran, Allah dit « Ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. » Oh, vous qui avez cru, vous avez certes entre vos épouses et vos enfants un ennemi. Donc prenez garde. Quel sens un ennemi? Qui te distrait. Beaucoup d'entre nous, dans nos familles, on fait des concessions. Des choses qu'on voudrait faire, on ne peut pas les faire. Car la femme ne veut pas suivre. Les enfants, t'as de la rahma pour eux. Et en réalité, il y a des choses que tu dois les faire, mais à cause d'eux, tu ne les fais pas. D'accord? Et c'est valable également pour les femmes qui sont, elles, fermes en religion. Leur époux peut être un frein. Car dans le Coran, elle a dit Inna min azwajikum wa awladikum. Et azwaj, c'est le pluriel de zawj. Ça peut être l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. C'est pas que la femme est une épreuve pour le mari. Le mari également peut être une épreuve pour la femme. La femme, elle est machin à la droite et le mari, il est bancal. Son mari serait une épreuve pour elle. C'est valable pour les deux. Et l'enfant, parce que tu as une rahma pour lui, tu l'aimes beaucoup et tu es toujours, je sais pas, des fois le matin, c'est là, c'est le fajr. Faut que tu lèves ton enfant, tu vois, il dort, ça te pince le cœur. Pourtant, faut le faire. Parce qu'il a 10 ans. D'accord? Masalan. Et des fois, c'est plus de la rahma, c'est de la mollesse qu'on a. Les choses, il faut qu'ils les fassent. Et s'ils ne les font pas, nous, on a le péché. Pas eux. Donc, faut pas oublier cela. Et on a d'autres choses dans la vie qui nous font obstacle, qui sont haram. Ça, c'est indiscutable. Et d'autres choses qui sont halal, mais elles nous freinent. D'accord? Elles nous freinent. Donc, cela rentre dans la fitna. Et dans cette dua, on recherche refuge auprès d'Allah contre ce genre de choses. Pour toujours rester sur une lignée, pour autant que possible. Wal mamat, fitna de la mort, c'est ce qui se produit au moment où la mort vient. D'accord? Et l'auteur dit, c'est également dans le qabr, lorsque les deux anges nous interrogent. Qu'est-ce qu'ils te demandent, les anges? C'est quoi les questions qu'ils demandent? Trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ar Saint. Et c'est ça, Usul Salatha. Dans les trois fondements, c'est ça, les trois fondements. C'est qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Vous allez voir les gens faire des études, apprendre plein de choses. Réviser pour avoir leur bac, pour avoir leur diplôme, ce qui s'ensuit. On dit tout ça dans ta tombe, ça ne servira à rien. C'est cette question-là qui sera la plus importante pour toi. Est-ce que tu l'as préparé en ce bas monde? La plupart des gens ne l'ont pas préparé. Quand on a dit c'est bon, je connais la réponse. On dira ce jour-là, on verra si la réponse sortira de ton cœur ou ce que tu penses qu'elle est sur la langue aujourd'hui. Ce jour-là, c'est ton cœur qui va répondre. Ce ne sera pas ce que tu as mémorisé. Tu auras beau avoir appris le Coran par cœur, appris des moutounes par cœur, plein de choses, mais si ce n'est pas ancré dans ton cœur, tu ne répondras pas ce jour-là. Donc c'est ta aqida, et c'est ça l'examen ultime. Et toute notre vie, c'est l'apprentissage et l'application pour passer justement cet examen. C'est le plus important. Une fois, il avait été, c'était Shir Ben Bez, il a été rapporté qu'il était interrogé. Est-ce que tu as une shahada? Est-ce que tu as un diplôme? Parce qu'en arabe, shahada, c'est un diplôme, c'est shahada. Il a dit oui. Ils ont dit c'est quoi? Il a dit la ilaha illallah. C'est ça la shahada. Et c'est-à-dire que c'est là qui vaut. Le reste, ça vaut rien. C'est que de la dunya. Les koufars, ils ont des diplômes plus que nous. Hein. D'ailleurs, c'est nous, nos profs, et c'est eux qui nous donnent les diplômes, en général. D'accord? Donc ça, ça vaut rien. On ne dit pas que c'est haram. Si tu peux le servir, tant mieux. Mais il ne faut pas que ça rentre dans le premier sujet qu'on a cité, que ce soit une chose qui te freine de ta religion. C'est une chose qui est secondaire. Tu as ton diplôme et tu t'en sers dans le bien, alhamdoulilah, il te freine. Et à cause du diplôme, tu fais des muharramat, c'est pas un bien pour toi. Sache-le. Donc, là, on recherche refuge auprès d'Allah de la fitna de la mort, lors de la mort. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on voit qui est-ce qui est ferme, lorsque la mort revient. C'est pas donné à tout le monde. Justement, avant de mourir, il a dit Nabi Sallam, celui qui dit la ilaha illallah avant de mourir, il entrera au Jannah. Il ne faut pas croire que le fait que tu saches aujourd'hui, que ce jour-là, tu vas le dire. Ça, c'est le muwafaq qui va le dire. D'accord? T'as des gens aujourd'hui qui disent la ilaha illallah, ils font du shirk à longueur de journée. Et ils le disent la ilaha illallah. Ces gens-là, le jour de la mort, ils ne vont pas le dire. Car toute leur vie, ça a été des œuvres qui contredisent le la ilaha illallah. Donc, dès aujourd'hui, dans la salat, on recherche refuge auprès d'Allah pour justement pouvoir dire la ilaha illallah ce jour-là, comme il se doit. Et il a dit min fitnat al-Masih Dajjal, la fitna du Messie Dajjal. Car la fitna du Messie Dajjal, c'est la plus grande fitna qu'il y aura sur terre, quand il va venir cet homme-là. Et cet homme-là, il est borgne d'un œil, et l'autre œil, il est comme un raisin sec. Et il aurait écrit sur son front Kaf fa ra. Kaf fa ra. Pour dire kafir. Et tout croyant le lira, même un croyant qui est illettré, il lira kafir. Et pourtant, les gens vont le suivre. C'est-à-dire, on a les hadiths. Ils sont authentiques. On sait à quoi ils ressemblent. C'est écrit sur son front, et pourtant, c'est pour vous dire, ce jour-là, quand il sera devant nous, c'est pas ce hadith-là qui va le sauver en soi. C'est tes œuvres d'aujourd'hui. Est-ce que ce jour-là, tu seras muwafaq pour te rappeler que de qui il est et ne pas le suivre. Quand je dis à plein de gens, ils lisent ce hadith. Les koufars, ils le lisent, le hadith, ils disent, oh ben c'est bien, quand il viendra, je vais le reconnaître. Il dit, tu crois? Sa fitna sera tellement grande que tu vas plus y croire. Tu vas y croire lui. D'accord? Et les gens qui se verront le plus, ce sont les yahouds et les femmes. Et les femmes. Donc, un tambi que je fais souvent, le Messie Dajjal, pourquoi on l'appelle Messie? Ça vient de Mamsour, parce qu'il a un œil. Mamsour, c'est une chose qui est effacée. Il a un œil qui est effacé. D'accord? Et Messir, aussi, le fait qu'il y a Sihou fil Ard. Ou Siyaha, c'est le fait de ne pas courir sur terre. D'accord? Et El Dajjal, pourquoi? Parce que c'est un menteur. C'est un trompeur. C'est un escroc. Donc en réalité, comment on devrait l'appeler en français? Le Messie trompeur menteur. Les gens l'appellent le faux Messie. C'est pas un faux Messie. La traduction de Messie Dajjal, c'est pas faux Messie. Cette traduction, elle n'est pas bonne. C'est le Messie, c'est un vrai Messie, selon le sens littéraire. Parce que quand on dit Messie aux gens, ils pensent à Issa direct. Messie, c'est un descriptif qui est appliqué sur Isa, dans un bon sens, et sur lui, dans un mauvais sens. Mais les deux, c'est le même mot. D'accord ? Sauf que lui, c'est un Dajjal. Lui, c'est un Messie, mais c'est un menteur. C'est pas un faux Messie, c'est un vrai Messie, mais c'est le menteur. D'accord ? Donc, quand vous voyez cette traduction faux Messie, elle n'est pas correcte, cette traduction-là. Mais c'est un imposteur, oui. D'accord ? C'est un menteur, oui. Et c'est la plus grande fitna qu'il y aura depuis la création de Adam, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Taï. Nakhouz fawaid al-hadith. Al-amr bil-isti'azati billah min hadi al-arba' fi tashahud al-akhir min kulli salah fardan wa nafla. Donc il est obligatoire. Et là, c'est un ordre de irshad. C'est un ordre de recommandation et pas un ordre d'obligation. Si tu ne le fais pas, tu auras un châtiment ou tu mérites un péché. Non. Mais quand on comprend le sens, crois-moi bien qu'on va pas le, Inch'Allah, on va pas l'oublier de le faire. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de façon recommandée de faire cette isti'aza. Ça, c'est quand? Dans le dernier tashahoud. Dans le dernier tashahoud. Dans les salawat, dans cette tashahoud, c'est celle où on fait deux rakat. Et celle où il y a trois ou quatre, on fait deux tashahoud. Ça, tu le dis dans le dernier tashahoud. Et que ce soit une salat obligatoire ou surrogatoire, il n'y a pas de différence. Toute salat où il y a un tashahoud, dont le dernier, tu fais ce dua-là. Thaniyan, an khatar hadi al-arba' azim. Wa shar naw'an, imma 'adhab fi al-barzakh wa imma 'adhab fi al-akhirah. Wa asbabuhu fitnat al-mahya aw fitnat al-mamat aw fitnat al-masih ad-dajjal. Donc il dit le grand danger de ces quatre choses-là, du moins ces quatre choses-là représentent un grand danger. Et elles sont les deux catégories. Soit un châtiment dans le barzakh qui est la mienne intermédiaire, ou soit un châtiment dans l'au-delà, ça veut dire au jugement, par la suite. Et les quatre causes, ou plutôt les causes qui amènent à ces châtiments-là, sont la fitna de ce bas monde, la fitna lors de la mort, d'accord, et la fitna du Messie ad-Dajjal. Si jamais tu tombes dans ces fitnas-là, les autres, tu ne vas pas y échapper. Le azab du kobr, tu es exposé, le azab dans l'au-delà, par la suite, tu es exposé également. Salisan isbat azab al-kabr wa azab al-nar. Donc ce hadith confirme le châtiment de la tombe et celui du feu. Rabi'an, uzma al-fitnati inda al-ikhtidar wa fil kabr inda suwal al-malikain. Cela montre la grandeur de la fitna qui arrive lors de la mort et également lors de l'interrogatoire par les anges dans la tombe. خامساً إثبات خروج الدجال وعظم فتنته وهو أحد علامات الساعة الكبرى. Ce qui montre également que ce qui affirme la sortie du Dajjal, la grandeur de sa fitna, et qu'il est parmi les signes majeurs de l'heure. Qui est-ce qui va tuer le Messie Dajjal quand il va venir? Issa. Le Messie Dajjal va venir pendant 40 jours. Ces 40 jours passeront comme 40 années. Et c'est Issa alayhi salam qui va venir et qui va le tuer. Sadisan al-hazar min shubuhat al-haya wa shahawatiha al-muharrama fa innaha sabab al-shurur. Donc le fait de prendre garde des ambiguïtés en ce bas monde et des désirs interdits, car ils sont une cause de grands maux. Et la plus grande fitna qu'il y a pour la umma, c'est l'argent, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus grande fitna qu'il y a pour les hommes en particulier, c'est celle des femmes. Et quand tu regardes bien dans l'histoire des hommes de façon générale, que l'une des plus grandes causes de corruption des hommes, ça a été à cause de femmes. Des hommes qui étaient parmi les, on va dire même chez les koufars, les plus grands, sont tombés à cause de femmes. À cause de femmes. Et il y a même une histoire dans la Bible, l'islam ne la confirme pas, il ne la dément. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila. Vous n'avez jamais entendu? Jamais? Il y a même des films sur ça qui ont été faits. C'est dans la Bible. C'est un homme qui était d'une force incroyable. Il combattait toutes les armées. Un homme, il était invincible. Et ses amis disent, comment on va l'avoir lui? Il est intouchable, on ne peut rien faire pour lui. C'est quoi son secret pour qu'il soit aussi fort? D'accord? Et ils ont décidé qu'ils allaient le séduire. Car ils savent que l'homme, sa faiblesse, son talon d'Achille, comme ils disent, entre autres, donc soit un mythe, c'est la femme. Donc une femme l'a séduit. Elle s'appelait Dalila. Et il est tombé amoureux d'elle. Et après, elle lui dit, c'est quoi le secret de ta force? Une fois qu'il était bien amoureux d'elle, elle lui dit, c'est quoi le secret de ta force? Il lui dit, c'est mes cheveux. Parce qu'elle a des cheveux un peu longs. Elle dit, ah. Et elle a dit ça à ses ennemis. C'est ses cheveux. Ils ont dit, ben un jour, une fois qu'il dort, coupe les cheveux. D'accord? Il dormait, elle est venue, elle lui a coupé les cheveux. Et après, ils l'ont attrapé. Il n'a plus de force. Vous voyez? Dans cette histoire-là, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Allah Alem. C'est possible. D'accord? Dans les. Ou même précédente, ça se peut que ce soit arrivé. Mais la ibra, c'est quoi? La traîtrise de la femme et la faiblesse de l'homme face à la femme. Et que plein d'hommes étaient des grands hommes. Il y a des hommes, les frères, ils étaient milliardaires, millionnaires, ils avaient tout pour eux. Et pourtant, leur réputation, leur carrière, leur empire est tombé à cause d'une femme. Pour dire comment l'homme ne tient pas. C'est des hommes, ils ont les plus belles femmes du monde s'ils veulent. Ils sont mariés. Et pourtant, un jour, ils ont dérapé sur une femme. Ou alors, c'est la femme qui les a fait déraper pour les prendre en otage et pour dire maintenant, on a les photos, on a les vidéos, on a ceci, on a cela. Si tu fais pas ça, tu tombes. Et t'en laisses tomber pour de vrai. Accusé de viol, accusé de ceci, en prison. Tu vois. Et pourtant, c'est des hommes, ils ont toutes les femmes qu'ils veulent. Mais un jour, ils n'ont pas pu se tenir. Sous l'alcool, sous la drogue, je ne sais quoi. Et t'en as d'autres, ils ont été pris en otage par des femmes. On a, comme Samson et Dalila, on a envoyé une femme pour dire, elle, lui, là. Faut qu'on le tienne, faut qu'on arrive à le corrompre. On peut pas l'acheter, il a plus d'argent que nous. Tu vois, il est puissant, on peut pas le tuer parce qu'il a des gardes du corps. Donc comment on va l'avoir? Par une femme. Ils envoient une femme, elle le séduit, ça se trouve il est marié ou je sais quoi, et après ils le prennent en photo et elle dit, hey, fais pas ce qu'on te dit, on te dévoile devant tout le monde. Et voilà. Et comment ces gens se font attraper? Par des femmes. Ou certains par des enfants. Vous savez aussi. D'accord? Mais beaucoup c'est par des femmes. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il appelle le fitna plus grande pour les hommes que celle des femmes. Et les koufars, ils l'ont compris ça. Et d'ailleurs, dans le hadith, il a dit Maraitu min naqisat al-aql wa ad-din adhhabu lil-lub ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Je n'ai pas vu de créature à la raison aussi déficiente et religion déficiente faire perdre la raison à un homme comme une d'entre vous. Et faire perdre la raison, ça va dans tous les sens. Ça peut être dans la colère. Parce que ton, par exemple, ton épouse a fait des choses qui te rend fou. Ça peut être par l'amour. Une finale est pour toi, c'est-à-dire tellement t'es pris d'elle que tu sais plus ce que tu fais. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'hommes. Tu vas les voir auprès des gens, c'est des guerriers, quoi. Et à cause d'une femme, il fait des trucs de fou. Et il tombe en prison ou il se fait tuer pour une femme. Alors qu'il fait de la terreur, il meurt pour une femme, voilà, il lui reste ce qui lui arrive. D'accord? Ou d'autres choses. C'est-à-dire, ce hadith, il est général. Que les femmes font faire perdre la tête aux hommes. Donc faire attention à ça. Et donc, c'était quoi le shahid? Que les shahawat, les désirs. Faire attention aux shahawat en ce bas monde. Les shubuhat, ambiguïté qui touche à la religion, ta croyance, et shahawat, chose qui t'amène à faire des péchés. D'accord? Entre autres, l'argent, l'amour de l'argent, hein, l'amour de la célébrité, ainsi de suite, et pour les hommes, entre autres, les femmes. Il a dit ça bien, shafaqat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummati. Et ça, c'est la compassion du Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Taï. Ensuite, deuxième chapitre du Ders, hein, qui est le 18e du Kitab, enfin du chapitre 18e hadith du chapitre et 38e hadith du Kitab, qui est Kufr Tariq al-Salat, la mécréance et là qui veut majeur de celui qui abandonne la salat. Bon, c'est une masala qu'on a beaucoup répété, donc avec beaucoup d'adila, il en cite un seul qui est suffisant dans cette question. Yaqul an Jabir radiallahu anhuma, ou anhu, afwan, qal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. Il a dit Nabi صلى الله عليه وسلم qu'il y a entre la limite qui est entre l'homme et le kufr et le shirk, c'est le délaissement de la salat. C'est la limite. D'accord ? C'est la limite. Et ce hadith-là est parmi les hadiths qui montrent que ne pas faire la salat, d'accord ? C'est du kufr akbar. Dans une version, il a dit Al-ahd baynana wa baynahum as-salat. Man tarakaha faqad kafar. Dans une version, faqad ashrak. Il a dit que le pacte qui nous lie à nous, c'est-à-dire les croyants, c'est la salat. Celui qui la délaisse, il a mécru. Dans une version, il l'a associé. Et les sahaba, Abdullah ibn Shaqiq, il a dit qu'ils étaient unanimes dans ce qu'il a rencontré, qu'il n'avait pas un acte délaissant religion qui amenait à la mécréance si ce n'était la salat. C'était la salat. Donc déjà, il dit Beina al-shirk wal-kufr. Al-shirk wal-kufr. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre shirk et le kufr ? Il y a des ulama qui disent non. Il y a d'autres qui disent si. Et en fait, il y en a une. C'est que le kufr est plus général. C'est-à-dire le shirk, akbar, est forcément du kufr. D'accord ? Tout shirk akbar, c'est du kufr. Mais tu peux avoir des actes de kufr qui ne rentrent pas forcément dans le shirk. Mathalan, quelqu'un qui va se moquer de la religion. Par exemple. Hein, on sait parmi les lois de l'islam qu'il y a le fait de prendre les choses de la religion en raillerie, quand on sait que c'est une chose de la religion. Cette personne-là, quand elle fait ça, c'est pas du shirk en soi. D'accord ? Quelqu'un qui fait un acte blasphématoire avec le mushaf, par exemple. D'accord ? Par exemple, je sais pas moi, il marche dessus ou il le dégrade volontairement. Ça va être du kufr. Est-ce que c'est du shirk en soi ? Non, pas forcément. Parce que le shirk, ma wa ta'lif al-shirk, wa taswiyatullah bi ghayrillah fi ma wa min khasa'isillah. C'est le fait d'égaliser entre Allah et autre que Allah dans ce qui est propre à Allah. Ou le fait d'adorer Allah et avec lui autre que lui. C'est ça le shirk. Tu partages, tu donnes à autre que Allah ce qui revient à Allah. Donc, il y a des actes, des fois, ils ne rentrent pas là-dedans, pourtant ils sont du kufr, qui te sortent de l'islam. Selon après les shurut, bien sûr, hein, là on parle de façon générale. Donc, en réalité, le shirk akbar est forcément du kufr, et des fois tu parles du kufr, qui n'ont pas dans le shirk. Mais au final, tout kafir, tout mécréant fera forcément du shirk, c'est inévitable. D'accord ? Quelqu'un qui ne croit, qui est un mécréant, qu'il le veuille ou non, il fera du shirk. Car l'homme a été créé pour adorer. C'est en lui. S'il n'adore pas Allah, il va adorer autre chose. Quelqu'un qui dit j'adore rien, je dis si tu adores quelque chose. Tu adores quelque chose. Peut-être tu ne sais pas c'est quoi. Mais tu adores quelque chose. Et nous en islam, on sait quoi l'ibada ? Il y a des choses qu'on a en nous. Nous on sait que c'est l'ibada, les koufars ne le savent pas. Tawakkul par exemple. Eux ils ne savent pas que c'est l'ibada. L'espoir, ils ne savent pas que c'est une adoration. La peur, ils ne savent pas. L'amour, ils ne savent pas. Il y a plein de sentiments qu'on a, ça dans l'adoration. Eux ils ont ça en eux pour autre que Allah. Tu vois ? Et bon, on dit, en faisant cela, là, tu ne t'es pas prosterné, tu n'as pas égorgé, mais ce sentiment que tu as en toi, ce sentiment, normalement, c'est pour Allah que tu dois l'avoir. Là, tu l'as pour autre que lui, pour une idéologie, pour une personne, pour l'argent, pour une femme, d'accord ? Pour plein de choses. D'accord ? Et ben ça, t'as fait du shirk. Parce que là, ils vont dire, moi, j'attends pas le soleil, j'attends pas la lune, j'attends pas les sortes de choses. Oui, mais t'as des sentiments en toi qui sont d'adoration, qui doivent être ressentis pour Allah seulement, toi, tu le fais pour autre que Allah. Donc, tous mes créants fera forcément du shirk. D'accord ? C'est assez inévitable. C'est pour ça que les deux sont liés ensemble. Le kufr et le shirk vont de pair. Donc, là, dans ce hadith, on voit que, selon la vie authentique, parce qu'il y a un khilaf dans la mas'ala, d'accord ? C'est que le délaissement de la salat, c'est du kufr akbar. Tayyib. Donc on prend les fawaid du hadith. Yakul an tarik as-salat 'amdan min ghayri 'udhrin hatta yadhhab waqtuha kafir. Là, il dit une chose qui fait peur. Il a dit que celui qui délaisse la salat volontairement sans excuse à tel point que elle sort de son temps, c'est un kafir. C'est-à-dire c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz qui était rapporté de lui. Cheikh Ibn Baz il dit que si tu délaisses une salat exprès, sans excuse, hors de son temps, il dit que t'as mécru lui. C'est son avis. Et donc, les mecs ne sont pas forcément d'accord avec lui, bien qu'ils voient que délaisser la salat, c'est du kouf. Mais voilà. Pourquoi ? Regardez, il dit quoi le hadith ? Il dit man. Il a dit quoi ? Tark es salat. Entre l'homme et entre le shirk et le kouf, le délaissement de la salat. Il n'a pas dit les salawat, il a dit la salat. Donc, dedans, ça peut rentrer une seule. Si on prend le hadith, son côté apparent, c'est un avis qui n'est pas inventé. Ils vont dire le hadith, il parle, celui qui a décidé de la salat. Il n'a pas dit une, deux, trois, il a dit la salat. Vous comprenez? Donc des fois, une seule, pour de la main, ça suffit. Donc quelqu'un qui sait qu'il y a le temps de la salat, d'accord? Par exemple, Cheikh Belmez dit celui qui met son réveil. On dit le fajr est à 6h du matin. Il met son réveil à 7h30 exprès. Pour ne pas se lever, pour se lever pour autre chose, il a dit lui, il a mécru. Parce qu'il n'a pas l'intention de se lever pour la salat. En tout cas, dans son temps. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a délaissé. Parce que la salat hors de son temps, volontairement, ben, ce n'est pas une salat. Quand tu as délaissé quoi? Une condition, qui est le temps, volontairement. Donc, la salat, ce n'est pas une salat. Et lui, il fait exprès. D'accord? Il n'a pas d'excuse, attention. Hein. Il n'a pas d'excuse. Et autres. Et il fait exprès. Après, tu as des gens, ils ont du chouboat, ceux qui regroupent le soir. Selon Cheikh Ben Baz, ça va pas loin pour eux. C'est une réalité. Celui qui est au travail et qui regroupe le salat le soir, il n'a pas d'excuse à la base. Et il le fait volontairement. Et bien, selon cet avis-là, ces gens-là sortent de l'islam. Normalement, ça doit faire peur. Il y a des gens qui vont dire non, il y a Khilaf. Il t'a pas peur. Parce que si ce qu'on a, il est vrai, c'est ce que ça veut dire. Ça peut être très très loin. Et on avait dit quoi tout à l'heure dans le hadith précédent? Qu'on cherche refuge pour de quatre choses. Et on a dit pour le fait de chercher refuge, c'est agir. Donc t'imagines, le soir il fait ses salawat, il regroupe tout le soir, et là il fait le tashahud, il fait le ta'awud billah. Il dit, tu cherches refuge de quoi? Il dit de la fitna de la vie, de la mort, de la kabr et de l'enfer. Il dit, et tes salawat là, que tu as fait tout en retard, là, c'est une cause pour te protéger? Là, tu fais le doa, mais est-ce que tu as fait les actes qui vont avec? Tu vois? Il va te dire non. Et justement, tu vas dire, c'est quoi qui fait que tu as reçu poser tes salawat? Il va dire le travail. Donc, c'est quoi là? Fitna al-haya, al-mahya. C'est la fitna de ce bas monde. Tu ne l'as pas affronté. Elle t'a bouffé au point que tu as délaissé ta salat le soir. Et là, tu cherches le refuge. En fait, tu bouges ta langue. Tu fais une gestuelle, mais le cœur, elle n'y est pas. Vous voyez? La motivation, elle n'y est pas. L'application, elle n'y est pas. C'est pour ça que je dis, bon, c'est des choses qu'on apprend par cœur, qu'on fait, mais le cœur, il n'y est pas, l'ania, il n'y est pas. C'est juste, comme on dit, c'est une mimique, en fait, en gros, malheureusement. Yaqul, thaniyan, anna lissolat makana azima, fayya amoud al-islam, wahad mabanihi al-izam. Que la salat, elle a une grande place en islam. Et qu'elle est le pilier, enfin, pas le pilier, mais on va dire la colonne vertébrale de l'islam. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un amud al-amr, as-salat. Il a dit que le pilier vecteur de l'islam, c'est la salat. Quand tu prends un homme, par exemple, parce que amud, ça peut être également colonne vertébrale, tu lui brises sa colonne vertébrale, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus rien faire. Il est paralysé. Sans colonne vertébrale, on ne peut plus rien faire. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a imagé la salat comme étant la colonne vertébrale de l'islam. Et que sa tête, c'est le djihad. Yaqul, et c'est le deuxième pilier de l'islam. Thalithan, anna tarik al-salat, shar min al-sariq wa zani wa sharib al-khamr. Que celui qui ne fait pas salat, il est pire que le voleur, que le fornicateur ou que l'alcoolique. Et ça, je ne sais pas assimilé chez les gens. Ils vont voir des choses que les gens commettent comme étant graves. Mais quelqu'un qui ne fait pas la salat, c'est pas grave pour eux. On dit, lui qui ne fait pas la salat, il est pire que tous ces criminels-là qui sont en prison parmi les musulmans. Et ça, les gens n'arrivent pas à assimiler ça. C'est comme le tawhid. On leur dit le shirk. D'ailleurs, le Nabi Sansam a dit que délaisser la salat, c'est du shirk. On leur dit, on le répète à chaque fois, que le mushrik, il est pire que les pires des criminels que vous voyez sur terre. Ce qu'il fait, c'est la pire des actes. Pour Allah Azzawajal. Et là, les gens, ça va pas dans la tête des gens, ça. On dit quoi? Quelqu'un qui fait pas la prière, il est pire qu'un homme qui a violé 15 petites filles, qui les a découpées en morceaux et tout. On dit oui. Faut pas dans Allah Azzawajal, oui. Ça va pas dans la tête des gens. Pourquoi? Parce qu'ils jugent avec leurs émotions. Pas avec les textes religieux. Et ils jugent avec leurs sentiments. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont un manque de tarzim d'Allah. C'est-à-dire ils glorifient pas Allah. On te dit ça, c'est pas toi de juger, c'est Allah qui juge. Il te dit que ça, c'est pire que ça. Si tu veux pas l'admettre, bah c'est que t'as un problème avec ton Seigneur. Vous voyez? Et ça, même chez nous, dans la Oumma, c'est pas assimilé. Demain, t'auras un homme qui dans la salat, il est comme ça, il va demander une fille en mariage au wali. Il va dire, comment tu gagnes? Tant. Bah, vas-y, on discute. L'autre, il arrive, il salate comme ça, mais on va dire, il est au chômage ou quoi, toi? Vas-y, tu peux en faire un tour. On dit pas, bon, il veut pas être chômeur, bon, on va pas le, il a peur pour sa fille, financièrement, on peut le comprendre. Mais on n'était pas accepté un qui est dans la salade qui est comme ça, pour son salaire. C'est que t'as pas compris. À la rigueur, dis-je bien qu'il fasse salade et qu'il a bon salaire. Vous voyez, là, c'est déjà plus acceptable. Mais au moins la salade en première chose. Et il a raconté l'histoire d'une jeune fille qui avait été demandée en mariage par un homme. Et son père pose plein de questions à cet homme-là, sur sa vie et tout et tout. Elle dit, moi, j'ai juste une question. Je te pose. Ça, c'est en pays d'islam ou quoi? Il a dit, c'est quoi? Le fageur, tu le fais où? Là, il n'y a que ça que je te demande. Ça te fageur, tu l'as fait où? Tu vois, je ne me rappelle plus c'était quoi la réponse. Il faut faire comprendre que le père, il vient poser plein de questions sur la dounia, par rapport au gendre, enfin, futur gendre. Et la fille, elle dit, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je te demande juste, le fageur, tu le fais où? Donc, on a compris la réponse que si elle me dit, je le fais au mosdid ou quoi, elle va dire, moi, ça me va. Et tu fais pas, elle va dire, le reste que mon père t'a demandé, ça me va pas non plus. Vous voyez? Après, aujourd'hui, combien sont comme ça? Très peu. Tant les walis que les sœurs. Hein. Tant le wali que les sœurs. Hein. Tu vois, c'est pas non plus le wali. Même les femmes, tu viens, elle va pas te demander de faire ça le fajr au masjid. Elle va te demander comment tu gagnes, qu'est-ce que tu fais, elle va regarder comment tu mesures, tu vois. Ce genre de choses, malheureusement. Bon, et nous aussi, hein, faut dire, c'est pareil. Hein. On dit les femmes, les hommes, c'est pareil. Hein. Ils cherchent des choses par rapport au physique de la femme qui vont demander en premier par rapport à sa religion. D'où le résultat qu'aujourd'hui, les couples, c'est la catastrophe. Parce que on a mis les choses tertiaires et secondaires en priorité. Et ça, c'est mauvais, malheureusement. Yaqul an at-tarik as-salat yu'tabar mushrikan. Et que celui qui délaisse la salat est considéré comme étant un mushrik. Naam. Tayyib. Fa alhamdulillah rabbil alamin.